218. Activation. Dictation. A. Listen and read the following as you listen. 1. Tu vas à la fac? Oui, je vais à la fac. Elle va à la fac. 2. Vous allez à la fac? Oui, nous allons à la fac. Ils vont à la fac. B. Now listen and write in the missing words. 1. Tiens, bonjour Mademoiselle Bello. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Elle va bien. Deux. Tu vas à la fac? Oui, je vais à la fac. Trois. Bonjour, monsieur le professeur. Vous allez à la fac? Oui. Je vais à la fac. Et vous? Vous allez à la fac? Quatre. Vous allez à la fac? Oui, nous allons à la fac. Ils vont à la fac.